C'est des bruits de couloir, des brèves de comptoir et des mots dérisoires qui changent les regards. C'est un petit encart dans les journaux du soir et le point de départ de nuits de cauchemar. C'est la rumeur qui court, ennemi suspicieuse, ennemi insidieuse à tous les carrefours. C'est la rumeur qui tue, ennemi anonyme, ennemi assassine à tous les coins de rue. Dans les appartements, elle fait son bout de chemin, du soir jusqu'au matin. Elle dévale son linge sale, comme une mer qui s'étale. Elle vomit ses injures, comme des tacs sur un mur. C'est la rumeur qui court, ennemie suspicieuse, ennemie insidieuse, à tous les carrefours. C'est la rumeur qui tue, ennemi assassin à tous les coins de rue. Elle n'épargne personne, c'est un ver dans la forme, c'est un souffle malsain. Crache son venin, elle nous colle à la peau, une étoile sur le manteau, sournoise comme une hyène, avec des yeux pleins de haine. C'est la rumeur qui court, ennemie suspicieuse, ennemie insidieuse, à tous les carrefours. C'est la rumeur qui tue, ennemi anonyme, ennemi assassine, à tous les coins de rue. Et l'on se retrouve, parfois, le regard dans le vide, sur le toit d'un building. Et il suffirait d'un geste pour que tout cela s'arrête.